Chapitre 5e, Fouinard fouine. Fouinard avait trouvé sans peine la boutique du fruitier de la rue des Écoles, assassiné si lâchement sur le quai des Grands Augustins. Il était tombé au milieu d'une scène navrante, une femme désolée, des voisins et voisines pleurant avec la veuve, et une petite fille de 10 ans mêlant ses lamentations à celles de ces pauvres gens. C'était une toute petite boutique où les affaires ne devaient pas être bien prospères. Quand Fouinard s'était présenté, il avait éprouvé quelque embarras. À entrer en matière, on le regardait avec défiance. Policiers, on en avait déjà assez vu, et ils avaient exaspéré ces malheureux par la rudesse de leur enquête. Ils avaient leur siège fait, le fruitier était un ivrogne, peut-être pire, qui fréquentait les cabarets de dernier ordre, notamment un certain bouchon rouge de la rue Gilles-le-Cœur. Rendez-vous, affirmaient les policiers, de la lie de la population. « Si on peut dire !» s'écrit la brave Madame Latournère. « Je sais bien que mon mari va souvent faire sa manie avec des amis chez le marchand de vin en question. Savez-vous pourquoi ? Parce que c'est un pays, un Limousin comme nous, et que mon pauvre mari a connu tout petit, qu'ils ont été à l'école ensemble. Nous sommes tous de Châtenay-en-Dognon, dans le canton de Saint-Léonard, et Latournère, qui est un honnête homme, je peux vous le certifier, qu'il se passa là-dedans rien qu'il n'eût pas été à faire. » Lui et ses camarades ont leur donné un petit cabinet où ils étaient comme chez eux, et une fois par semaine, ils allaient boire la bouteille en jouant aux cartes. « Tenez, là ses amis, vous pouvez bien les interroger. » Fouinard, au bon enfant, avait bien vite gagné leur confiance. Il n'était ni policier ni journaliste, il dit son nom. Ou alors l'attitude changea. On lisait son quotidien tous les jours et on connaissait Toto Fouinard, le malin, le futé, qui en remontrait à ces messieurs de la Rousse. Ah, bien qu'il s'en mêlât, et on saurait bien vite quel était le scélérat qui avait frappé ce pauvre Latournère. « Qui sait ? » disait Fouinard. « Fournissez-moi des renseignements, et j'essaierai de le découvrir. » Un des Limousins qui était maçon se chargea de répondre à l'invité. « Je vais vous dire, monsieur Fouinard, ce qui s'est passé. Rien du tout. Nous avions joué des tas de parties que le temps avait passées sans qu'on s'en aperçût. Le patron est venu et nous a dit comme ça qu'il était plus de minuit, presque 1 heure. Alors nous avons pris nos clics et nos claques en nous disant à la revoyure pour la semaine suivante. « Très sincèrement, dit Fouinard, aviez-vous bu un petit coup de trop ?»« Non, non, je le jure. 3 bouteilles à 4, du petit vin de pays qui est aussi innocent que du lait. Bref, nous sommes sortis du bouchon rouge. Moi et le camarade Lantignac, nous avons monté la rue Gilles-le-Cœur parce que nous demeurons rue Saint-André-des-Arts et rue de Bussy, tandis que Latournère s'en allait vers le quai avec Camelard. « Camelard, c'est moi !» intervint un autre Limousin. « Moi, je demeure rue de Seine, et alors je descendais jusqu'au quai, tournant à gauche, tandis que Latournère devait tourner à droite pour revenir à la rue des Écoles. Nous nous sommes serrés les pinces au coin de la rue Gilles-le-Cœur, et nous avons tiré chacun de notre côté. Je me dépêchais, parce que j'avais un peu peur de la ménagère, à cause qu'il était tard, et je n'ai rien vu, rien entendu. Une heure plus tard, le malheureux camarade était ramassé dans son sang, à quelques pas de l'endroit où je l'avais quitté, et je ne sais rien de plus. Mais il a été, dit-on, transporté à l'Hôtel-Dieu. Vous, madame Latournère, vous êtes allée le voir. Comment va-t-il ? Ah ben oui, que j'y suis allée, mais on n'a pas voulu me le laisser voir. On m'a dit comme ça que les médecins avaient interdit toute visite. Alors j'ai demandé qu'on me dise au moins dans quel état il était. Un interne, un petit jeune, qui avait la mine en lame de couteau, m'a dit comme ça qu'il n'était pas brillant, mais qu'on l'en tirerait peut-être. Et que je revienne demain. Et nous voilà tous et toutes à attendre, avec l'épouvante d'apprendre une mauvaise nouvelle. Ah, monsieur Fouinard, si vous pouviez seulement me rassurer. Je ferai tout mon possible. Mais voyez-vous, il ne faut pas perdre courage. Les coups de couteau, quand ça ne tue pas tout de suite, ça se guérit. Votre mari est solide. Je vous crois, un chêne. Si vous le connaissiez, des épaules à porter le Panthéon, et une tête, grosse comme le dôme, un vrai Limousin, quoi. « Alors ce chapeau-là n'est pas à lui, » dit Fouinard en désignant du doigt un melon qui se trouvait sur la cheminée et dont la coiffe indiquait une très petite tête. « Ce chapeau-là ? » dit Madame Latournère. « Du diable, si je sais d'où il vient. Ce matin, quand j'ai couru comme une folle à l'endroit où on a trouvé mon pauvre mari, je me suis trouvé mal, et on m'a fait entrer chez le marchand de vin du coin de la rue Gilles-le-Cœur, où on m'a donné un vulnéraire. Alors le manzingue, qui a été bien bon pour moi, m'a dit comme ça. « Tenez !» « V'là un chapeau que j'ai ramassé dans le ruisseau. Est-ce que ce serait pas votre mari ? que c'est peut-être bien celui qui a étripé votre mari. Emportez-le, on ne sait pas, ça pourra peut-être servir à le retrouver. » Et je l'ai emporté, sans trop savoir ce que je faisais, et je l'ai posé là, sans plus y songer. « Et quand la police est venue, vous n'en avez pas parlé ?»« Ah, ils m'ont bien trop esbroufé pour ça. »« Vrai, c'était à croire que c'était moi l'assassine, si vous croyez que j'ai pensé à ce chapeau. » Fouinard l'avait pris en main et avait regardé le fond de la coiffe. « Mode de Paris. » Indication banale et inutile. Avec sa canne, il mesura l'envergure dans les deux sens. « Une tête très, très petite, » dit-il. « Oh, oh. Le monsieur qui portait cela se sirote singulièrement les cheveux. » Qu'est-ce que ça sent ? J'y suis, le benjoin. En palpant la coiffe, il s'aperçut que le propriétaire de la coiffure, la trouvant sans doute encore trop large, y avait introduit un papier plié. Avec sa dextérité ordinaire, il l'enleva sans que personne s'en aperçût, puis, rendant le chapeau à la brave femme, « Mettez ça dans une armoire, dit-il. Inutile de le montrer à personne. Je viendrai peut-être vous le demander. À votre service, monsieur Fouinard. Vous qui avez le bras long, à ce qu'on dit. Est-ce que vous ne pourriez pas avoir des nouvelles de mon mari ? Je vous l'ai dit, je vais essayer, je ne réponds de rien. Quand les malades sont à l'hôpital, ils sont la propriété de messieurs les médecins. Je ferai tout le possible. Mais de votre côté, n'avez-vous aucun autre renseignement à me donner ? Votre mari n'est pas querelleur. L'abbé du bon Dieu, que je vous dis. Si vous saviez, dit Camelard, ce qu'il y a de rôdeurs dans notre quartier la nuit. Je ne dis pas que ce soit toujours de mauvaises gens, mais des jeunes qui font la noce, qui se grisent comme des portefaix et qui après ça courent les rues, sans savoir ce qu'ils font ni où ils vont, qui vous cherchent querelle pour un oui ou pour un non, sans vous connaître, pour le plaisir de vous embêter. Le patron du Bouchon Rouge en sait quelque chose, qu'il y a quelques nuits des gamins ont essayé de lui défoncer sa devanture. « Ah, on a essayé, » dit Fouinard, « mais je bavarde, et j'oublie que la maman voudrait bien avoir des nouvelles de son homme. Je vais m'en occuper. Au revoir. » Il sortit rapidement. Dès qu'il fut à certaine distance de la boutique, il déplia le papier qu'il avait gardé dans sa main. C'était une feuille de papier à lettres, pliée en long et qui avait été déchirée par la moitié dans le sens de la hauteur. Il y avait des commencements de lignes, le reste ayant disparu. Il lut. « Il est temps de régénérer la venant aux pures sources de l'aile. Zahar, Dubelet, une de la Pléia. « dit Fouinard. « Ça demande à être étudié. Maintenant, au plus pressé, il faut voir le blessé. » Il avait déjà son plan. On se souvient que le docteur Tozan n'avait rien à lui refuser, depuis l'affaire du clou dans le crâne. Or, c'était justement l'heure où il devait se trouver à sa clinique, rue Saint-Antoine. Fouinard ne fit qu'un saut jusque-là, bouscula tout le monde, pénétra de force jusqu'au cabinet du docteur, devant lequel il apparut tout à coup avec ses simples professions de foi. « Coucou, hein, le voilà !» Le docteur bondit de son fauteuil dans les bras du jeune homme. « Ah, quelle heureuse surprise » s'écria-t-il. « Est-ce que j'aurai le bonheur que vous eussiez besoin de moi ?»« Légèrement, » dit Fouinard. « Du reste, ça n'est pas pressé, mais c'est tout de suite. Il s'agit de venir avec moi à l'Hôtel-Dieu et de faire un tas de petites choses que je vous indiquerai. » Le docteur ne pouvait s'empêcher de sourire à ses vivacités communicatives. Il avait d'ailleurs trop à se louer de Fouinard pour songer même un seul instant à discuter. Cependant, il demanda un quart d'heure, le temps de faire une ordonnance très compliquée pour un malheur phtisique. Un instant après, le docteur et Fouinard dévalaient vers l'Hôtel-Dieu. Ils arrivèrent à l'hôtel, et vraiment Fouinard avait tant de chance que tout marchât comme sur des roulettes. Justement, le chirurgien en chef était là, et vint lui-même au-devant du docteur Tozan que Toto ne lâchait pas d'une semelle. Les explications nécessaires furent données et Fouinard fut présenté. Là encore, son nom était connu et éveillait la sympathie. « Je dois ajouter, » dit le docteur Tozan, « que M. Fouinard m'a rendu un de ses services qui ne se peuvent oublier. Je lui dois le repos et le bonheur de ma vie. C'est vous dire, mon cher confrère, à quel point je tiens à lui être agréable. Et je vous y aiderai de toutes mes forces, voyons. » Il s'agit bien du nommé Latournère qui a été ramassé sur le quai, lui-même. « Avant tout, » demanda Fouinard, « dites-moi quel est son état. » « Très satisfaisant. Autant, du moins, que peut l'être la situation d'un personnage qui a eu la poitrine labourée du haut en bas par des coups de couteau. Mais aucun n'a porté profondément. Les poumons sont indemnes. C'est l'affaire de quelques jours. « Ah, que sa brave femme va être contente. Mais dites-moi, docteur, ce blessé a-t-il pu parler, raconter ce qui s'est passé ?» Il est venu ce matin un commissaire de police qui l'a interrogé. Mais entre nous, ces gens-là ont une façon de questionner qui a toujours l'air de cacher des menaces. On se croirait comme au bon vieux temps dans l'antichambre de la torture. Mon blessé, qui ne m'a pas l'air d'être un intellectuel de premier ordre, avait une peur bleue. Si bien qu'il l'a bafouillé abominablement, et que pour un peu, il se serait excusé d'avoir été à moitié tué. Quand ce doux magistrat était parti, il m'a fallu une demi-heure pour le calmer. Mais il s'est endormi, a fait un somme de 3 heures, et je suis sûr que maintenant il n'a que très peu de fièvre. Ne pourriez-vous pas l'interroger doucement ? Très doucement, je veux bien. Mais je vous avertis, à la moindre agitation du malade, je me tais et je vous mets à la porte. Dites donc, docteur, j'aurais une chose bien drôle à vous demander. Bah, laquelle ? Il est bien entendu que je ne me blesserai pas du tout si vous me refusez, mais je vous demanderai l'autorisation de l'interroger moi-même. Ah, par exemple, non, ma responsabilité. Et puis permettez-moi de vous dire que vous me paraissez avoir de moi une défiance assez singulière. Docteur, M. Tosin vous dira que je ne suis pas homme à vouloir vous blesser. Voilà mes raisons. Ce bonhomme-là n'est pas bien malin, avez-vous dit vous-même. C'est un simple. Vous êtes un grand chirurgien, vous avez l'air grave, disons un peu solennel, et vous lui poserez les questions d'un ton sérieux. Sans vouloir, vous l'esbrouferez vous aussi, et ça lui fera mal. Moi, je suis populo, j'ai la langue de ces gens-là, et puis je rigole. Je parie que je vous le fais rire. Et vous verrez comme il causera, comme avec un copain, à la bonne franquette. Voyons, messieurs les deux médecins, est-ce que c'est si bête, ce que je dis là ? Les deux hommes se regardèrent. Ce diable de Fouinard avait une façon de vous empaumer. Il fallait en passer par où il voulait, et on le conduisit à la chambre particulière où a été placé le blessé. Seulement, il fut convenu que la porte resterait ouverte, de façon à ce qu'on pût rapidement intervenir en cas de besoin. Le malade était un gros homme dont, comme l'avait dit sa femme, la tête était énorme, avec de gros traits, gros nez, gros yeux, mais tout ça, bon enfant, un peu bébête. Il vit Fouinard et il ne bougea pas, le fixant, non sans inquiétude, de ses deux boules de loto. Alors Fouinard épanouit sa face en un rire aimable. « Je viens de voir maman Latournère, dit-il, qui vous envoie bien le bonjour, et qui sera bien contente de vous revoir à la boutique. Et puis, je vous apporte les bons souhaits des amis Lantignac et Camelard, qui étaient chez vous. » Alors, comme ils savaient que j'avais mes entrées à l'Hôtel-Dieu, ils m'ont dit comme ça que je serais bien gentil de venir faire un bout de causette avec vous. J'ai pas dit non, et meubla. À mesure qu'il parlait, le visage du blessé se détendait. Ses noms familiers, sa femme, Camelard, Lantignac, c'était comme une première entrée dans la vie réelle. « Je suis bien démoli, dit-il. Bon, ça ne sera rien. Un gars de Chasteneur d'Oignon s'en a vu bien d'autres. Tiens, vous connaissez ce pays. Je le connais sans le connaître. J'ai un oncle qui était de Limoges. Mais dites donc, on vous a seulement arrangé tout de même. Pour sûr, j'étais charcuté à le gredin. Vous montez pas le coup. C'est un vilain bougre qui payera ça le prix que ça coûte. Voyons, si ça vous fatigue pas trop, comment donc que ça s'est passé ? Attendez, je vais vous aider. Vous aviez passé la soirée au Bouchon Rouge avec Camelard et les autres, à jouer à la manie. Tant et si bien qu'il était près d'une heure quand le patron vous a dit de vous en aller. C'est bien ça. On croirait que vous y étiez. Pour lors, Camelard et moi, nous avons descendu jusqu'au quai. Et là, Camelard vous a dit adieu. Parce qu'il s'en allait rue de Seine. C'est alors que vous êtes arrivé votre aventure. Voyons, qu'avez-vous vu ? Ma foi, pas grand-chose. Pourtant, tenez, maintenant ça me revient. Je longeais le quai du côté des maisons. Je n'avais pas fait 20 pas, du côté du parapet. Oui, je vois ça comme si j'y étais. J'ai vu une demi-douzaine, plus, moins, je sais pas, de jeunes gens qui criaient, chantaient, avec des voix d'ivrogne. Et puis tout à coup, un d'eux s'est séparé. A traversé la chaussée en courant et est venu vers moi. Alors je sais plus, je suis fort comme un taureau. J'ai même pas pensé à me mettre en garde. Et puis j'ai reçu des coups, sur la tête d'abord, que ma casquette en est tombée. Et puis au cou, à la poitrine, partout. Je vous dis que je sais pas, j'ai dû tomber. Voilà tout, ah la sale canaille. Vous excitez pas, la maman l'a bien recommandé, et la petite aussi, qui m'a dit que papa soit bien sage. « Ah, ma petite Madelon a dit ça. Si vous saviez comme elle est futée. Je l'ai bien vue. Alors comme ça, vous ne reconnaîtriez pas votre bonhomme ? Ça, je crois pas. Un petit qui avait un melon, qui est tombé par parenthèse, et que le bec de gaz a tombé sur les cheveux qui brillaient. Un vrai miroir, c'est tout. Eh bien, mon brave, je vous remercie bien. Je vais aller dire tout ça à votre femme qui va être si heureuse. Elle viendra vous voir demain matin. Avec la petite, avec la petite. Jusque-là, comme elle a dit, soyez bien sage. Donnez-moi une bonne poignée de main pour les amis, et au revoir. » Le chirurgien entra. « Assez causé, » dit-il doucement. « Vous, la tournaire, tenez-vous bien tranquille, on vous pansera tout à l'heure. »« À vos ordres, monsieur le médecin, » dit le blessé. « Eh bien, » disait Fouinard aux deux docteurs, « ça a-t-il assez bien marché ?»« Tenez, monsieur, » dit le chirurgien, « je ne vous connais pas depuis longtemps, mais vraiment, je serais heureux d'être considéré par vous comme un ami. » « Ami du docteur Tozan, ami à moi, » dit Toto, « je vous remercie mille fois d'avoir eu confiance en moi. Mais du moins avez-vous obtenu ce que vous vouliez ? À peu près. » Ce brave homme m'a dit des choses très intéressantes. « Eh bien, je vais vous en dire une moi-même. Je ne devrais pas parler de cela. Le secret professionnel d'une part, et puis le devoir de garder tous mes renseignements pour la police. Mais vous m'avez conquis. Je veux faire quelque chose pour vous. » « Ça, c'est gentil. » dit Fouinard. « J'écoute. » Le chirurgien tira de son gousset un petit papier soigneusement plié. « Regardez ceci. » Fouinard développa le papier. Dedans se trouvait un petit morceau d'acier pointu et d'un centimètre et demi de long à peu près. « Ah hein, » fit-il. « Parfait. Vous ne me demandez pas ce que c'est. À quoi bon ? Ceci est la pointe du couteau avec lequel le pauvre fruitier a été frappé. L'arme s'est brisée contre une de ses côtes et vous en avez retrouvé la pointe dans la chair. » « C'est parfaitement exact, » dit le chirurgien. « On ne peut rien vous apprendre. »« Avez-vous regardé attentivement cette pointe ?» reprit Fouinard. « Si petite qu'elle soit, elle prouve son origine. »« Vraiment, je ne vois rien. »« Peut-être ai-je les yeux plus perçants que les vôtres. »« Tenez, voici une loupe. »« Examinez, et vous verrez les traces de damasquinage. »« La fin de dessins qui doivent remplir toute la lame. »« Ce couteau est un navaja espagnol. » Une de ces prétendues lames de Tolède qu'on fabrique un peu partout et qui ne valent pas un clou. Oui, oui, je vois maintenant. Quand je dirai cela au policier, je passerai pour un expert. Mais je nommerai mon auteur. Non, non, ne faites pas cela. Je désire qu'on ignore absolument l'intérêt que je prends à cette affaire. Soit donc. Mais vous savez, si vous avez besoin de mon témoignage en quoi que ce soit, ne vous gênez pas. Je suis à votre disposition. Mille fois merci et au revoir. Le docteur et Fouinard sortirent de l'hôtel Dieu et se séparèrent. Les heures avaient passé. Fouinard consulta sa montre. Juste le temps d'aller rassurer la maman à la tournaire et d'aller ensuite retrouver les camarades à l'apéritif. De la rue des Écoles, où il fut accueilli comme un vieil ami et où il laissa de la joie. Fouinard revint au café de la Porte Saint-Martin où Michel et Suzon l'attendaient, non sans impatience. « Enfin !» s'écria Suzon dès qu'elle l'aperçut. « Vous les avez fait un peu poser ?» Affaire d'état, mes enfants. Mais tu as l'air rayonnant, dit Michel. Tu vas nous raconter tes prouesses du jour. Mes prouesses. J'ai causé avec une fruitière, et puis avec un fruitier, voilà. Tu te moques de nous. Jure-moi que tu ne t'es pas occupé de ton excellent ami Pied-de-Bœuf. Lui ? Ah, mes enfants, je n'ai plus qu'à le laisser patauger. Non, vous allez voir ça. Cet imbécile est capable de se noyer dans la mélasse.